cinéma. Les dunes crient sans voix, le ciel brûle sans pardon. Riders qu'il traverse sans prier, sans détour. Chaque pas est une offrande, chaque souffle un serment. Ce désert ne prend pas. Il jure. La peau, la foi se forge sous les sabres du vent. Riders Kill n'est pas seul. Le sable m'efface, le stream me grave.